Pourquoi on parle de ça? C'est que là, on est rendu avec des toilettes de sexe neutre dans un collège public, le cégep Dawson à Montréal. Des toilettes pour les transsexuels, les transgenres en fait. Alex, c'est pas la même affaire, là, mais fait tout le temps taper ses doigts. Là. C'est des toilettes qu'on a aménagées pour ceux qui sont pas à l'aise d'être dans un sexe ou dans l'autre. On a ajouté donc des toilettes pour les transgenres à Dawson. Le sexe neutre. On est-tu rendu malade, là? On aime ça, les ghettos. On est malade dans la tête. On est rendu vraiment malade dans la tête. Puis là, les gens du cégep Dawson disent « Ouais, mais c'est pour des raisons de sécurité. » Parce qu'il paraît que les transgenres se font tabasser dans les toilettes pour gars dans les endroits publics. Ça va-tu prendre des toilettes spéciales pour les jeunes qui portent des broches parce qu'ils se font tabasser dans les écoles primaires? Ouais, t'avais, d'après moi, d'arriver là, là. Filles, gars avec des broches, filles avec des broches. Les gros? Ça fait pas, là. Ça, deux toilettes maintenant, ça fait pas. Des ça toilettes? Fait une troisième toilette. Des toilettes pour les obèses? Oui. Hein? Font rire d'eux autres. Excuse-moi de rire. Hey, mais, des toilettes pour les bolés. Les roues? Ouais, ouais, ouais. Les roues? Des toilettes pour les roues? Les élèves très doués, là, qui ont des bonnes notes, les ouais. Petits génies en herbe, là, ça prend leur toilette. Parce que, ils ont peur de se faire tabasser. Mais le pire, c'est que, rappelle-toi nos souvenirs à l'école, ceux qui se faisaient, oui, mettons, intimider à des guillemets, c'est vrai que ça arrivait aux toilettes. Mais il y avait quand même juste deux toilettes. Ben oui. Pays, là. Mais là, c'est à un moment donné, là. Deux écoles? T'inquiète. Est-ce qu'on va avoir un cégep pour transgenres bientôt au Québec? On va pour toutes les différences. On va être rendu là bientôt. Là. On va ghettoiser nos écoles. On va prendre une école pour roues. Mm-hmm. Les gros, on va les mettre dans une autre école. Ouais. Les gens qui ont des broches, des problèmes de dents, on va les mettre dans une autre école. C'est ça. Tout ça, tu fais quoi? Là, je sais pas, tu te fais teacher à la maison, tu te fais enseigner tes cours à la maison. En faisant une toilette neutre, c'est comme s'ils admettaient que ah ben il y a de la violence dans nos murs, puis on n'est pas capable de la gérer, fait qu'à cause de ça on leur fait une autre toilette. Je trouve ça un peu con. Mais ils gèrent comme aussi. Ça, tu sais. Mais ça, il y a rien là. Puis je repense quand je lis l'histoire, je repense aux écoles pour sexe neutre aussi ben, en France. Ça, tu m'as troublé là. Mais ça, c'est pire que sexe neutre, c'est qu'en France, il y a des écoles où il y a pas de gars, puis il y a pas de filles. Tous les élèves sont des élèves. Et on les traite exactement de la même façon. Tu sais, t'es pas un petit gars, puis t'es pas une petite fille, puis là, on ajuste les programmes de cette façon-là, où on y dit jamais, toi, t'es un petit gars, puis toi, t'es une petite fille. Jamais. C'est complètement stupide, alors ouais. Qu'on devrait faire l'inverse. On veut comme les laisser choisir. Non, mais c'est parce que non. Tu vas être un gars, une fille, tu vas choisir. T'as de quoi entre les jambes, là, ça te définit un peu, là. Que non, ça te plaise ou pas, là. Non, la masculinité puis la féminité, c'est pas bon d'une société. Alors qu'on devrait... dire, regarde, la plus grande fierté du monde, c'est d'être différent. Mm-hmm. Que tu sois différent au niveau de tes passions, au niveau de ce que t'es, au niveau de ce que tu penses. Ben non, non, non, tout le monde pareil dans le même corridor. Puis si jamais il y a quelqu'un de différent, ben là, faut que tout le monde s'ajuste à sa petite différence. Ouais, c'est ça, la dictature des minorités. Monsieur Gravel, là, on a retourné votre enfant à la maison puis il pleure, là, c'est parce que vous avez mis un muffin qui peut contenir des arachides, vous êtes un criminel. Hey, attends un peu, là. C'est à moi de m'ajuster, là. Ouais, c'est ça. Ça va-tu prendre des toilettes sans... des toilettes allergènes aussi pour les gens qui sont allergiques aux kiwis, aux beurre d'arachide, aux œufs. C'est pas les mêmes toilettes. Mais tu sais, on est exactement on est aussi malade dans la tête. Dans le même domaine. C'est de la maladie, là. Te rappelles-tu le gars qui voulait qu'on distribue dans les écoles primaires des livres, genre « J'ai deux papas, j'ai deux mamans » pour être bien certain que le un élève... sur 150 000 élèves qui a deux pères, pour être bien certain que lui, il se sente pas tout seul. Pis, alors qu'il sait déjà qu'il est différent. Pour être bien certain qu'il se sente pas isolé. Là. Celui qui se fait battre à la maison pour qu'il se sente bien, est-ce qu'on va faire un livre sur les pères qui battent leurs enfants? Oui. Hein? Le papa, on va être sûr qu'il se sente bien là parce qu'il vit quelque faudrait, chose à la maison. Faudrait. Donc, il y a ceux-là avec un papa et une maman, ouais. Ceux-là avec deux mamans, ceux-là avec deux papas, ceux-là avec papa qui brasse maman, ceux-là avec maman qui baise le facteur l'après-midi quand papa est pas là. qu'est-ce qu'on pourrait rajouter des dans ce niveau-là? Il y en a beaucoup des minorités. Là, quand tu fais... là, on pourrait-tu y aller par race aussi, tant qu'à y être? Ben oui. Si tu y vas par orientation sexuelle ou gars, fille, transgenre, on pourrait y aller par race, tant qu'à y être. C'est aussi niaiseux. C'est aussi stupide. Je trouve tellement que c'est raisonné par le bas. D'ailleurs, quand Passepartout a commencé à mettre tout le monde, c'est là qu'on a arrêté de l'écouter, hein? Étienne nous dit sur live, on a ça dans nos maisons, des toilettes neutres déjà, de toute façon. Fais des toilettes neutres. Salle de bain avec ta blonde, toi, chez vous? Oui. Non. des toilettes sans gluten. Ça, je trouve ça brillant. Ouais, on est malade. On est vraiment malade dans la tête. C'est dans des établissements d'éducation qu'on prend des décisions aussi épaisses et aussi gnochonnes. Ouais. Puis là, c'est... Faut le faire. Il y en a qui pourraient comparer ça aux toilettes, mettons. Je pense qu'au Savigny, il y a ça. Tu sais, dans certains commerces, là, les toilettes mixtes. Les toilettes mixtes, ça, de plus en plus. Mais c'est pas le même but, là. Le but est pas nécessairement le même. Non. Là. Non, c'est pas la même affaire. Ah. OK. Il y aurait d'autres objectifs pour les toilettes mixtes? Peut-être d'autres objectifs recherchés que ça. On appelle ça un facilitateur. Ouais, c'est ça. OK, je comprends. L'intimité, je sais pas. Il est 9h12. On revient.